m'appelle généreux, c'est la base de mon prénom. Dans la peau d'un animal traqué, j'agis dans la pénombre. Aujourd'hui, je n'ai que les sentiments, augmente les décibels. Et je me revois gosse, dormir sous les ponts, ma peine est décibelle. Mon corps cicatrisé de partout, les points de suture sont mes amis. Ici bas la haine me plaît, j'encaisse, je garde tout. Non, c'est pas du cartoon, ça pleut des cartouches. Des enfants pleurent, des mères partent, des cœurs qui font des partouzes. Il faut une carapace de fer, n'empêche aucun rapace de fer. Son trou ici, la balle remplace le verbe, ok. Façon, c'est tous les mêmes, ouais, je parle de vos gus. Tu m'excuses, mais la politique, moi, je suis dans le cul. C'est qu'une bande d'hypocrites, oui, entier, je le suis. RS4, type 4, en otage, un jeune fils. Mais nous, on paye cher, une fois qu'on s'est monté en l'air. Alors, dans le prendre, déjà, je suis démonté à l'air. Mais puis, j'encaisse ces belles paroles. Façon, je peux rien changer, je me vengerai sur une belle baronne. Et je reverrai des fils allongés. Ma gueule, je suis fait pour ça. J'ai plusieurs casquettes, monégasque. J'arrive, je vous lâcherai pas les baskets. Je n'en m'appelle pour la côte des îles. J'ai beaucoup de désirs, ça m'appelle. Malheureusement, j'en ai le prédestine. Une fois en sa grandeur, une peur effarouchée. Des frissons, mon regard se lève d'un ciel. J'en finis par loucher. Je suis conscient de mes erreurs. Je vous cache pas que ça me gêne. Y'a pas de science, mais qu'un remède, celui de la sagesse. La route est longue, beaucoup d'émotions. Mais là, c'est la révolte. Le temps est à la guerre, c'est que je déclare révolte. Si ma part légitime n'est pas, alors je me la capore. L'autre pas, moi j'ai tué ce qu'on nommait l'incapable. Ouais, à part tête de nos biens, dans nos crânes, c'est quand les honnêtes est sur ma mère. J'en veux comme les cartels colombiens. On se perd dans le confort, ce qu'on a vu. La partelle, le soir je dîne à Barcelone, à l'Opus, à Marseille. 3 téléphone sans fil, ok, je vis la rue. Le plus crédible à part les miens, les salopes sont morts dans le film. J'ai mis des sangs contraints que je mourrais avant les 30 guerres. J'ai déjà vécu 50 biches dans ce rap, c'est moi votre grand-père. Jaco, c'est la bannière où je suis discret, j'en ai pas l'air. Mais sache que si tu nous les brises, on fume ta mère. Comment pas l'herbe, des dames, des chites, de la bonne herbe. L'oseille se surpasse, mais Algétan ici, bienvenue, le diable fait que du surplace. Ici, c'est pas qui mord, en couture italienne, des lignes infranchissables. Là où l'on croque, il ne faut pas que tu mordes. Oui, nous sommes comme des fauves, des fois on cache, des fois dehors, un satisfait. Des fois je veux du cash, des fois de l'or. J'ai trop les nerfs, un hystère de bloquer la porte. Enfant d'attente, on a tout croqué dans la pomme. On a une vie de fou, les autres c'est font de la ballerine. La crime est guerre, la talique, j'ai faim, ne quittons pas le ring. Je suis un voyou tout court, je vole et pars au Maldives. Quoi qu'il en soit, la vie des blocs, c'est moi qui ai plus à vous dire. Ne vous méprenez pas, de façon ici c'est moi le king. Par qui je commence, genre le silence, c'est dans un parking. J'en veux au monde